Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM, dans ce que nous appelons Montréal, territoire occupé, Galinguiaga, Anishinaabe et d'autres peuples autochtones fréquentent et fréquentaient ce territoire. C'est un territoire occupé, donc, contre l'occupation, la lutte continue. Aujourd'hui, nous allons entendre trois extraits pris de différentes source. Le premier extrait est tiré de CKIA Québec, Radio Basse-Ville, qui parlait du 8 mars et de son historique, parce que le 8 mars c'est cette semaine. Nous allons aussi entendre Elsa Dorlin, d'extrait pris sur Radio Canute, qui, cette radio, reprenait des extraits du lundi matin, qui réalisait une entrevue assez longue avec Elsa Dorlin, que vous pouvez trouver sur le compte YouTube du lundi matin. Et nous allons entendre la chronique mensuelle de Benjamin. On cette ligne, Baptouze. Alors Geneviève, aujourd'hui pour ta chronique féministe, tu veux nous amener à des origines. Oui, alors Michael, si je te dis, d'après toi, c'est quoi le lien entre la Saint-Valentin, la journée des secrétaires, le 8 mars et la fête des mères? Ce sont des journées décrétées officielles. Mais il n'y en a pas de lien, en fait. Puis souvent, les gens ont... des fois, il y a comme un flou dans la tête des gens. Bon, journée de la femme. Mais ce n'est pas une journée pour souligner la féminité ou le féminin. C'est une journée pour souligner les luttes politiques. Donc, la femme en tant que membre d'un groupe opprimé. Un petit peu comme on a le mois de l'histoire des Noirs, qui va parler d'histoire des Noirs comme un groupe opprimé, c'est pas un festival de jazz. Ben, non. C'est la même chose pour le 8 mars. On donne pas des fleurs aux Noirs. C'est ça, mais c'est ça. C'est pas pour célébrer la féminité. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la féminité? Ça serait l'objet d'une autre chronique. Mais donc, le 8 mars, mais est-ce que tu connais l'origine du 8 mars? Non, je ne connais pas. Ben moi, figure-toi que je pensais que je la connaissais. Pendant des années, dans les groupes de gauche, on me disait, ça vient d'une lutte là, ouvrière des États-Unis en 1852 ou 57, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, dans les années 1850, il y a des travailleuses du textile qui ont fait une grosse grève aux États-Unis, puis c'était le 8 mars. Et j'ai découvert à ma grande stupéfaction que cette information était fausse. Oh non! Fake news! Fake news! Mais c'est quand même des femmes qui ont instauré le 8 mars. Donc, la véritable origine du 8 mars, c'est un groupe, l'International des femmes socialistes, qui ont fait leur réunion numéro 2, en 1910, alors c'était tout jeune encore. Et c'est Clara Zetkin, une militante allemande, qui avait proposé de faire une journée internationale des femmes. Et c'est quelques années plus tard, en 1914, si ma mémoire est bonne, que ça a été décrété que la journée était particulièrement le 8 mars. Donc on se demande... donc c'était à quelque part quelque chose d'instauré par des socialistes, des femmes socialistes. Puis pourquoi ça a été instauré? Ben c'est vraiment intéressant de voir les tensions qu'il y a quand il y a des luttes importantes dans l'histoire. Alors dans le mouvement féministe des années 1910, si on se replonge dans cette époque-là, ça bardait, ça bougeait. C'était un mouvement extrêmement radical parce que faut se replonger en 1910. Tout le monde trouvait que ça allait de soi que les femmes n'aient pas le droit de vote. Qu'elles soient moins bien payées que les hommes, oui, qu'elles soient principalement des femmes au foyer. Pourquoi? Parce qu'on considérait la femme comme un enfant. À la fois socialement et au point de vue légal, on considérait la femme comme un enfant, donc elle était sous la responsabilité de l'homme, ce grand adulte qui, lui, savait ce qu'il fallait faire. Donc, c'était normal qu'elle n'ait pas le droit de vote. Elle comprenait pas la politique, hein? Bon, donc... Pouvait-elle comprendre la politique? Donc, en 1910, les féministes étaient radicales et elles avaient pas... pendant plusieurs années, elles avaient fait une lutte pacifique pour le droit de vote et pour toutes sortes de revendications et ça fonctionnait pas. Les hommes politiques, comme on dit en bon québécois, les faisaient niaiser. Soit ils les écoutaient pas, soit ils écoutaient, ils disaient « oui, on va vous arranger ça » puis il se passait rien. Alors, je vous réfère à l'excellent film « Suffragette » sur cette question. Et donc, en 1910, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Il y avait un mouvement suffragette qui était assez bourgeois, qui était soutenu par des femmes aisées, et il y avait les mouvements socialistes, communistes, où c'était un peu plus les femmes de classe ouvrière qui s'engageaient. Et donc, il y avait un petit peu une rivalité entre les deux. Il y avait parfois des divergences de point de vue. Mais je pense que les deux mouvements étaient légitimes, puis c'était normal qu'au départ, les suffragettes soient des femmes aisées, tout simplement parce qu'elles avaient le temps de militer, ce qui n'était pas le cas à la base de l'ouvrière qui travaillait 12 heures par jour ou de la femme au foyer qui avait 6 enfants, là. Et elles avaient les moyens de financer des journaux, financer des groupes, de faire avancer la cause. Mais c'est ça, il y avait une tension. Donc, les socialistes ont décidé d'avoir une journée, d'instaurer une journée pour inclure plus les femmes de la classe ouvrière dans la cause féministe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a fait des petits très rapidement. Alors, en 1917, le 8 mars, qui a été célébré. Il y a eu une grande marche des femmes en Russie et c'est considéré comme le jour 1 de la révolution russe. Tellement ça a été un gros mouvement. Rien de moins quand même. Rien de moins. Puis plus près de nous, en 1971 au Québec, c'est la première fois où on retrouve des traces écrites du 8 mars au Québec et ça a été l'idée par qui? Par le Front de libération de la femme. Alors, on se souvient tout le monde du FLQ, le Front de libération du Québec, mais on oublie trop souvent qu'on a eu aussi le Front de libération de la femme. Qui était justement dans la même époque. Oui, puis voilà, puis c'est un mouvement radical aussi. Et c'était leur principale lutte à ce moment-là, c'était le droit à l'avortement libre et gratuit. Il faut se rappeler qu'en 71, non seulement c'était pas disponible, l'avortement, mais c'était illégal. Hein, ça a été seulement vers la fin des années 80 que l'avortement est devenu légal au Québec. Donc, quand on étudie l'histoire du 8 mars, puis qu'on regarde les 8 mars à travers l'histoire dans tous les pays, ben je trouve que ça donne bien le pouls de la situation des femmes à ce moment-là, puis de l'évolution du mouvement féministe. Donc, mais pour revenir à pourquoi on a créé l'espèce de mythe des femmes qui avaient fait la grève aux États-Unis puis que c'était ça l'origine du 8 mars, ben en fait, c'est une fake news qui remonte à 1955, qui a été écrite dans le journal français L'Humanité et qui a été repris par la suite par tout le monde. Donc, d'où l'importance, quand on est journaliste ou quand on est dans le domaine public, d'aller toujours bien vérifier les sources et les contre-vérifier si possible. Mais comme il y a eu effectivement beaucoup de luttes ouvrières aux États-Unis, de grèves de femmes à cette époque-là, ben ça a passé comme une lettre à la poste, même si c'était une fake news. Et pourquoi cette fake news-là? Ben c'était une lutte entre deux syndicats français. Donc, il y avait un syndicat français dirigé par une femme qui était un peu plus socialiste. Alors, de mémoire, c'était la Fédération générale du travail. Et il y avait un autre groupe qui était plutôt communiste. Et il y avait un conflit entre les deux. Et c'est la dirigeante du mouvement qui était plus socialiste que communiste qui aurait possiblement, c'est une hypothèse, on n'a pas encore de certitude, là, mais qui aurait possiblement mis de l'avant cette histoire-là pour que son groupe se réapproprie un peu plus le 8 mars, là, malheureusement. Mais ça n'enlève rien à la valeur du 8 mars, qui est une journée qui souligne les luttes politiques des femmes. Puis moi, je tiens à dire que quand je dis femmes dans mon émission, j'inclus les personnes trans. Puis bien sûr, donc les femmes trans, puis j'inclus les personnes non-binaires qui s'identifient à la lutte des femmes. Vous êtes bien sur CKUT 90.3 FM. CKUT.ca. Vous venez d'entendre Geneviève Morin, la chronique de Geneviève Morin sur Québec Réveil, émission à CKIA Québec, qui nous parlait de l'historique du 8 mars. Nous allons maintenant entendre Elsa Dorlin, théoricienne de la violence, théoricienne de l'autodéfense et du combat, particulièrement dans un cadre féministe, mais plus largement de la bataille des opprimés contre l'oppression. Extraits qui sont tirés de Radio Canut, qui est cette radio reprenait les extraits d'une longue entrevue réalisée par le lundi matin avec Elsa Dorlin. Maintenant, nous allons écouter pendant l'émission plusieurs extraits sonores de la philosophe Elsa Dorlin qui s'est fait interviewer par le site lundi matin lors de l'apparition de son livre « Se défendre, une philosophie de la violence » qui a été édité à La Découverte. Donc l'autodéfense, c'est rester en vie pour tout groupe social stigmatisé, persécuté à un moment de l'histoire. Bonne écoute. L'arrivée du jiu-jitsu en Europe, elle est liée à une histoire, à un contexte colonial où des Britanniques qui vont partir notamment au Japon et ramener des techniques martiales en fait en Angleterre à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ces techniques martiales vont être considérées plutôt comme des techniques de la ruse, des techniques qui sont celles des faibles contre les forts et qui consistent à retourner justement la puissance de l'adversaire. Donc ils se posent la question de leur dimension virile par rapport à une norme justement de masculinité victorienne et qui est incarnée plutôt dans des techniques martiales telles que la boxe anglaise bien sûr. Et du coup, le jiu-jitsu, on va considérer que les femmes peuvent le pratiquer puisque c'est pas un art très viril de la lutte. Et qu'en plus, ce jiu-jitsu, il est pratiqué y compris par les femmes et qu'il ne déféminise pas trop le corps, il ne déforme pas trop le corps. Il ne le rend pas musculeux, par exemple. Donc les femmes vont être autorisées à le pratiquer à Londres. Un certain nombre de dojos vont s'ouvrir. Et parmi ces femmes, en fait, il y a beaucoup de militantes suffragistes. Et notamment des militantes plutôt issues de l'Union sociale et politique des femmes, qui est un groupe de suffragistes qui est très lié, en fait, à la Troisième Internationale, en tout cas qui a des bases socialistes et anarchistes, et qui considèrent, elles, que le jiu-jitsu, il faut s'en emparer comme une stratégie globale à la fois interne et externe au mouvement. D'abord parce qu'elles ont des positions politiques qui sont une critique de l'État, considérant que, en fait, on ne peut pas demander des droits à l'État, alors même que c'est l'État qui nie ses droits et qui est responsable de la situation des femmes. On ne peut pas demander à l'État des protections, notamment en matière de violence ou de précarisation sociale, parce que c'est cet État qui organise de façon structurelle en fait la vulnérabilisation des femmes. Et donc elles vont considérer qu'il faut passer à l'action directe, et à l'action directe violente. Donc vraiment destruction des biens publics, elles posent des bombes, agression, occupation, enchaînement aux grilles du Parlement, et manifestations et affrontements au corps à corps avec les policiers, qui de toute façon en manifestation les chargent avec une violence vraiment crasse. Et le jiu-jitsu va permettre d'abord en fait de se protéger des charges de la police, sachant que la police les arrête, les emprisonne, et que du coup la répression elle est extrêmement violente. Et quand elles vont commencer à pratiquer le jiu-jitsu, elles vont le faire donc en s'apercevant que en fait cette technique de protection lors des actions, c'est une technique aussi à travers laquelle qui figure en fait une conscientisation féministe, parce que c'est une technique qui va libérer le corps et qui va être utile en fait dans toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire y compris pour se protéger des violences domestiques, y compris pour se protéger des violences au travail. Ces militantes, elles vont commencer à avoir une action globale en fait d'autodéfense féministe, où le corps va se libérer, et elles vont finalement employer l'autodéfense comme une véritable philosophie de la libération. Et c'est du coup elles vont vraiment théoriser le jiu-jitsu comme un art de la lutte féministe, comme une contre-conduite corporelle, et qui va faire émerger en fait une nouvelle norme féministe, qui est l'idée d'un corps en fait non seulement libéré, mais qui a un corps qui explose et qui a un corps qui devient presque une bombe humaine. Et la référence en fait, c'était quelques années après le texte, quelques années après les premières actions du groupe de suffragistes. Donc là, on est vraiment dans les années 1908, 1909, 1910, 1911. 1912, ça marque la publication du texte de Voltairine de Clair sur l'action directe, et qui explique justement que la seule possibilité efficace dans la lutte politique, c'est transformer les corps en bombes humaines, et que justement, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action directe. Qu'elle soit violente ou non violente, d'ailleurs, en fait, ça n'est absolument pas la question. Pour Voltairine de Clair, l'action directe, elle est violente parce qu'elle, justement, elle est directe. Et que c'est une contestation très forte de l'action politique en tant que telle, qui est l'idée de passer par des représentants qui, dans un parlement, vont venir défendre des revendications, etc. Pour les suffragistes, en fait, on est vraiment dans cette idée que de l'explosion d'un corps qui est en fait l'explosion d'une revendication, et qui est aussi caractérisée par l'absence de discours, c'est-à-dire le refus de parler. Il n'y a plus rien à demander, parce qu'on n'obtiendra rien. Il n'y a plus aucune pédagogie à faire, parce que de toute façon, la pédagogie, elle est faite depuis des siècles sur la question de l'asservissement des femmes et que ça sert à rien. En fait, on ne peut pas demander aux dominants, voilà, en leur expliquant gentiment que c'est pas bien ce qu'ils font, que ce serait vraiment cool de redonner les droits, voilà, parce que quand même c'est pas très sympa. Non, vraiment, elles estiment que il faut aller au combat, mais que ce combat, encore une fois, au-delà des actions effectives, vraiment qui sont encore une fois de corps à corps, c'est un combat en fait personnel de libération des muscles. On continue avec un extrait de l'interview d'Elsa Dorlin. Donc c'est toujours l'interview sur son livre Se défendre qui est publié, qui a été diffusé sur le site lundi matin. Et un deuxième extrait qui parle de cette fois-ci de l'autodéfense comme ça a été mis en place par le Black Panther Self-Defense Party. La politisation de l'autodéfense dans le Black Panther Party for Self-Defense, en fait, c'est pas le Black Panther Party for Self-Defense qui va politiser l'autodéfense. L'autodéfense, elle est déjà au cœur de l'ensemble des mobilisations pour les droits civiques aux États-Unis, justement dans le contexte des lynchages, c'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, une des plus grandes figures du mouvement noir aux États-Unis et de lutte contre le lynchage, qui s'appelle Ida Wells, va considérer que l'autodéfense est aujourd'hui la seule solution pour lutter contre les lynchages. Et ce qui est, l'argument de Ida Wells, c'est de dire, en fait, l'autodéfense est nécessaire, le passage à l'autodéfense est nécessaire parce que il s'agit d'une question de vie ou de mort, et que face à ces exactions systématiques, seule l'autodéfense pourra contrer en fait les ligues fascistes. Donc dès la fin du 19e siècle, on a des appels à l'autodéfense, on a l'organisation de groupes d'autodéfense dans le mouvement noir, et Ida Wells, Marcus Garvey prônent aussi l'autodéfense, Webb Du Bois est pour l'autodéfense, et Du Bois par exemple va raconter, alors qu'il est sur le campus de l'université où il enseigne, comment groupes militants racistes débarquent sur le campus pour venir lyncher des étudiants, et même lui qui est prof se réfugie avec sa femme et prend son fusil et attend en fait les agresseurs. Et à partir de cet événement, en fait, il va vraiment considérer que ça a été seulement parce qu'il était armé et en position d'autodéfense qu'il était en mesure en fait de protéger en fait, enfin de faire front, d'arrêter. Donc c'est une politique qui est déjà là, très forte, et qui va dans tout le sud des États-Unis ségréguer. On retrouve des groupes d'autodéfense qui sont organisés pour protéger la communauté et pour protéger en fait directement des vies. Mais c'est une autodéfense armée, c'est-à-dire c'est l'armement cette fois-ci. On n'est pas dans des techniques corporelles, par exemple. On est vraiment dans une autodéfense avec armes. Et lorsque, dans les années 50, 60, l'ensemble du mouvement pour les droits civiques s'oriente plutôt dans l'action directe non violente, on voit bien que c'est l'idée d'abandonner les armes et de plutôt rentrer dans des stratégies qui consistent, en fait, au contraire, à adopter des postures non violentes et de résistance non armée face au racisme. Mais dans ce qui est prôné dans l'action directe non violente, c'est vraiment la construction d'un corps, enfin la constitution d'un corps qui est dans qui va lutter contre le racisme en montrant, par le fait qu'il endure la violence, qu'il est la cible de la violence, que la véritable violence vient de l'État, vient de la police, vient des populations blanches. Et donc il y a un effort que par cette idée de martyr, en fait, il y a un effet moral et politique qui soit produit. Mais c'est presque aussi de l'autodéfense, en fait, mais dans des formes de passivité, d'endurance, d'assaise corporelle qui sont intéressantes et qui permettent juste de ne pas hiérarchiser ce qui serait bien entre la non-violence et la violence, par exemple. Et quand, en 1965, en fait, le mouvement pour les droits civiques décide d'abandonner les stratégies d'action directe non-violente, c'est décidé parce qu'on considère alors que les stratégies de non-violence ont atteint leurs limites, qu'elles ne peuvent plus rien faire en fait, que l'effort dénoncer comme immoral, illégal et injuste la violence raciste, ça ne fonctionne pas. La pédagogie, en fait, ne fonctionne pas. Et la pédagogie au prix de la violence endurée, elle ne peut plus fonctionner. Et que les exactions et les meurtres, eux, se poursuivent. Donc l'appel en 65 au Black Power et au passage à une autodéfense, il se fait dans ce contexte-là. Et c'est théorisé quelques années auparavant, à la fois par Robert Williams, qui est une des grandes figures communistes du mouvement africain-américain et qui, en Caroline du Sud, va organiser des groupes d'autodéfense. Et c'est théorisé, y compris par Malcolm X, dans un conflit qui l'oppose à Martin Luther King, qui est une discussion, en fait, sur la stratégie du mouvement, et où Malcolm X a ces mots qui sont extrêmement éclairants pour voir le rapport entre non-violence et violence, puisque Malcolm X considère que l'erreur de Martin Luther King, c'est d'appeler les Noirs à être non violents vis-à-vis de leurs ennemis, et que Malcolm X n'a pas appelé à la non-violence pour les Noirs entre eux. Donc la position de Malcolm X est de dire la non-violence, c'est la stratégie à adopter pour organiser un mouvement en interne, c'est-à-dire nous devons être non violents entre nous parce que c'est ce qui va précisément faire notre force. Nous ne devons pas nous faire du mal entre nous. Il faut éradiquer la violence. Au contraire, cette violence, il faut la tourner vers ce qui est la source même de l'oppression, contre le système raciste de la société américaine, contre la justice américaine et le suprémacisme blanc. Donc à partir de là, le Black Panther Party for Self-Defense va avoir cet héritage. Et le deuxième héritage du Black Panther Party, c'est Fanon. Et c'est le texte des Damnés de la Terre que tous les militants du Black Panther Party sont tenus de lire avec Mao et Marx. Et dans les Damnés de la Terre, l'idée fondamentale de Fanon, c'est de considérer que la violence, en fait, elle est la praxis absolue, c'est-à-dire elle est la seule posture politique incarnée, la seule pratique qui est en mesure de renverser la société coloniale. Et comme praxis absolue, elle se constitue comme devant être ce que je dois agir pour renverser la violence coloniale. Et donc, à partir de Fanon, en fait, le Black Panther Party va prôner ce qu'ils appellent le gun power et vont considérer que il y a une violence activée, mais qui n'est pas une violence au sens d'affrontement ou de partir au combat, etc., mais qui est d'activer le corps, c'est-à-dire que cette violence subie, je dois la réapproprier, la réanimer et en faire le moteur d'une action. C'est d'abord ça, avant tout, la pensée de l'autodéfense et de la violence. C'est l'idée vraiment de faire de cette endurance, de cette rage intériorisée du fait d'une violence perpétuelle qui opprime les corps, de la réactiver, de la réorienter en fait vers une destruction du système. Donc quand le Black Panther Party for Self-Defense produit un programme d'autodéfense, la question de l'arme, c'est une question d'abord de sortir armé dans la rue. Ça ne veut pas dire utiliser l'arme contre les fascistes ou contre la police. Ça veut dire sortir armé. Et donc, c'est dans presque des formes de performance, en fait, d'un corps qui dit maintenant, en fait, nous ne nous laisserons plus faire. Donc, c'est l'idée vraiment d'un changement d'éthos, en fait. Et le programme d'autodéfense, il va avoir l'arme, il va avoir le code juridique. Donc les militants du Black Panther Party vont suivre en fait les patrouilles de police à Auckland, et dès qu'une voiture de police à Auckland va arrêter un noir pour un délit qui est complètement qui est juste l'occasion d'une maltraitance ou d'un lynchage, en fait, les militants vont se tenir avec le code juridique et rappeler à haute voix, à côté de la patrouille de police, les droits fondamentaux de l'individu qui est interpellé. Ça, ça devient de l'autodéfense, en fait, par l'ultra-légalisme qui est employé. Et ensuite, on va avoir tout un programme d'autodéfense de la communauté, qui est une forme aussi de défense de soi, de défense de la vie et de défense des conditions de vie même de la communauté africaine-américaine, parce que l'analyse politique de base, c'est que le système raciste états-unien rend la vie de la communauté africaine-américaine, des citoyens africains-américains, rend cette vie invivable et les expose à des risques gradués de mise à mort ou de conditions mortifères d'existence. Et donc, il va organiser, on va avoir l'organisation de petits déjeuners pour que les enfants aient à manger avant d'aller à l'école. Donc, on est vraiment dans une politique de la vie, en fait, par l'autodéfense et l'auto-organisation. La création de dispensaires pour la vaccination, la création de systèmes de transport public, d'écoles du soir, de formation, de bibliothèques. Et on va avoir tout ce programme qui est mis en place et qui constitue une autodéfense politique révolutionnaire. Et une autre partie, c'est des programmes aussi d'entraînement des corps. On va avoir beaucoup la diffusion de pratiques de kung-fu au sein des militants du Black Panther Party for Self-Defense. Et avec le kung-fu, c'est encore une fois, c'est-à-dire en deçà d'une sorte de héroïsation, mythologisation aujourd'hui du Black Panther Party pour sa défense, avec cette idée qu'il y aurait vraiment des corps, voilà, qui performent, une sorte de surpuissance, etc. C'était pas dans la pensée, c'était utiliser le kung-fu pour, encore une fois, convertir la violence subie en moteur d'une action et en transformant en fait cette violence en insurrection. Et donc, c'est à chaque fois l'ensemble de ces pratiques martiales. C'est pas l'idée de s'entraîner sportivement, c'est la question d'assaise martiale de soi, c'est-à-dire d'exercice de soi, d'éthique de soi, de transformer en fait son corps pour produire des formes de subjectivation politique. On ne défend pas un sujet puisque le sujet n'existe pas, il est nié par un état racial, mais par la transformation d'une pratique de soi, d'une façon d'être au monde, même très corporelle, en fait, on produit un sujet politique et on construit un sujet qui est un nous. Et c'est aussi montrer que l'ensemble de ces techniques martiales, en fait, ce n'est pas l'idée d'aller chercher un ensemble de techniques, par exemple, pour apprendre à se battre. C'est partir de ses conditions matérielles d'existence et de trouver un mode d'être, même dans le moindre de ses muscles, pour advenir comme un sujet. Et on continue, on termine même l'émission avec un dernier extrait de l'émission de l'interview d'Elsa Dorlin qui est publiée sur le site lundi matin, où elle présente son livre Se défendre. Et c'est la dernière partie où elle parle. Elle le dira bien, hein, mais comment les violences et le fait de savoir ou pouvoir ou devoir se défendre, c'est constitutif des groupes subalternes, des groupes minorisés. Retourner la violence, restaurer le monde. Historiquement, on a construit des corps des sujets en fait qui sont toujours légitimes à se défendre. Et pour les constituer dans cette légitimité à se défendre, il a fallu on a exclu un certain nombre de d'autres sujets dans des formes abjectes de cibles de cette défense. Et donc il fallait vraiment considérer que eux étaient au contraire une menace. Et donc ça avait un double intérêt. C'est à la fois l'idée qu'ils ne sont pas légitimes à se défendre et donc toujours considérés comme violent, agressif ou constituant une insécurité, et en même temps par conséquent n'étaient pas dignes d'être défendus puisque c'était eux qui constituaient une menace. Et donc on a un dispositif de corps qui, comme ça, sont rentrent dans des paranoïas en fait permanentes. Ou c'est l'exemple que je prends à la fin du livre de Trayvon Martin, où un adolescent noir de 17 ans avec un sweat à capuche noire qui sort d'une épicerie avec une bouteille de soda dans la poche va être abattu avec 2 balles dans le dos par un vigilante parce qu'il est considéré comme menaçant. Tout simplement parce qu'il traverse un quartier blanc. Ce vigilante va être acquitté par la justice, par la cour de Floride, et sous l'argument que cette personne a ressenti une peur raisonnable et qui justifie en fait le fait qu'il ait abattu cet adolescent. Donc en fait, Trayvon Martin était une proie, mais une proie qui est construite comme une menace et qui est donc abattable. Dans cette articulation entre en fait les vigilantes comme des sujets qui sont toujours légitimés et à qui on donne des permis de tuer, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de voir quelle était l'expérience vécue en fait que pouvait vivre cette vie en tant que proie. Et dans le cas, par exemple, des minorités raciales aux États-Unis, en fait, c'est à la fois cette espèce de double conscience d'être considérée comme une menace permanente, construite comme un agresseur potentiel, toujours déjà coupable, et en même temps de pouvoir être tuable dans la rue par n'importe quel bon citoyen. Et cette transposition, en fait, ce dispositif, ce qui m'a intéressé, c'est de le transposer sur la question du genre et des violences sexuelles et du sexisme, pour en analyser vraiment qu'est-ce que ça induit qu'est-ce que ça fait en fait d'être une proie, et comment vit un corps en tant que proie. Et qu'est-ce que ça fait aux muscles, y compris, qu'est-ce que ça fait en fait à des postures ou à des façons de vivre. Et pour moi, c'était une façon de le comprendre de façon très politique. La politique, elle commence là en fait, dans cette expérience vécue. Et quand j'étudie à travers un roman qui s'appelle Dirty Weekend et qui raconte l'histoire de Bella, qui est une femme lambda qui n'a aucune qualité particulière et qui figure justement cette espèce d'expérience vécue communément ressentie par un corps qui vit comme une proie sexuelle. C'était dans le roman de Hélène Zahavi. Bella, en fait, va être harcelée par un voisin, qui est un homme tout à fait ordinaire, et qui va la suivre, qui va lui téléphoner, qui va l'observer à travers sa fenêtre, etc. Et Bella est décrite comme ce corps qui progressivement commence à se recroqueviller sur lui-même, à s'enfermer. Mais Bella est aussi décrite comme étant complètement focalisée sur le monde de son agresseur et adopte dans une certaine mesure le point de vue de son agresseur sur le monde, en se demandant constamment qu'est-ce qui va me faire, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut m'arriver. Et va être dans une forme d'attention, de super attention sur ce qu'elle peut, sur ce que cet agresseur peut lui faire. Et il y a une scène décrite dans le livre qui est glaçante, parce que son agresseur en fait l'appelle au milieu de la nuit et lui dit imagine tout ce que je peux te faire de pire, et c'est ce qui va arriver. Donc en fait, son agresseur l'oblige à penser comme lui et être dans une forme de monde vécu qui fait que Bella va complètement déréaliser ce qu'elle ressent, la crainte, la peur, la rage, le sentiment que c'est impensable, que c'est au-delà de l'acceptable, de l'injuste. Elle va complètement déréaliser ce monde vécu qui est son monde propre, au profit en fait d'un point de vue dominant. Et donc c'est ça que j'ai appelé le care négatif. Et c'est aussi en référence à tous les travaux qui existent sur le care, qui sont des travaux tout à fait passionnant, qui explique comment le care et cette disposition qui consiste à se préoccuper d'autrui, à se soucier d'autrui, aussi dans des dynamiques d'empathie, qui fait que, par exemple, on va se demander prendre soin des autres, etc. Et qui est très travaillé par les études féministes. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, cette disposition, dans une certaine mesure, toute féminine, mais au fond, toute minoritaire, de subalternes qui sont toujours à se demander ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, comment je peux anticiper ses désirs, comment je peux dans une certaine mesure dans son sens. C'est aussi quelque chose qui est lié à une situation structurelle de violence où précisément parce que je suis potentiellement violentable, je suis tout le temps en train d'adopter le point de vue de ce que quelqu'un peut me faire ou de ce qui va m'arriver. Et dans cette analyse, la première chose, c'est que c'est tout ce travail de d'une forme d'autodéfense qui n'a pas le label de l'autodéfense, qui n'en a pas la positivité, mais qui relève quand même de l'autodéfense, et qui est tous ces petits gestes, cette petite myriade d'attention permanente que je mets en place dans une sphère privée, dans une sphère interrelationnelle, dans une sphère professionnelle ou sociale et politique, où précisément parce que mon point de vue ne vaut pas quelque chose, ne compte pas, je vais à chaque fois nier en fait ce que je considère comme étant ce qui m'appartient en propre. Donc c'est l'exemple que je prends de dire à quelqu'un, je rentre chez moi le soir, je suis suivie. Le premier réflexe, c'est pas d'écouter en fait que non, c'est oppressant d'être suivi, que non, c'est oppressant d'être interpellé, que c'est quelque chose qui produit en fait des sensations corporelles qui me mettent dans un malaise permanent. Mais au contraire, je vais essayer de considérer, mais non, mais c'est moi qui suis paranoïaque, en fait, mais non, cette personne ne me suit pas, mais non, mais voilà. Ou alors c'est toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de chance, ou même au travail, mon supérieur hiérarchique ou un collègue me parle comme ça, mais c'est moi qui ai mal interprété, c'était pas exactement ce qu'il voulait dire, il m'envoie un texto un peu tendancieux, non, mais c'est bon, je sais pas, je dois avoir l'esprit mal placé. Donc tous ces petits gestes, en fait, de déni permanent, sont à la fois ce qui reproduit un rapport de pouvoir et qui en même temps constitue des formes d'autodéfense pour essayer de restaurer la normalité d'un monde que je veux absolument maintenir comme un monde dans lequel je peux vivre en fait, mais qui est en train de se décomposer à mesure que je m'enferme en fait dans ce cas négatif. Et donc ce qui est intéressant dans le roman de Hélène Zahavi, c'est qu'à un moment cette Bella qui est en train de, encore une fois, d'être dans tout entière ensevelie en fait dans cette violence, un jour, un soir, elle décide que on ne sait pas pourquoi, elle prend un marteau, elle sort de chez elle, elle va chez son agresseur, elle lui fracasse le crâne avec le marteau et elle va le laisser mourir dans son sang. Et à partir de là, en fait, on ne sait pas ce qui se passe chez Bella, mais elle a juste décidé que il y a quelque chose de l'ordre de la violence qui, avant même le fait de fracasser un crâne d'un violeur, et avant cet épisode-là, la violence a restauré en elle son monde vécu. La violence a restauré en elle la valeur de, elle, ce que ça lui fait d'être violentée, et que cette situation est précisément quelque chose qui ne peut plus durer, en fait. Et c'est tout la description en fait de cette violence qui est une façon de se mettre hors de soi. Enfin la première, enfin finalement s'il y avait une forme de valeur en fait de cette violence, elle pourrait être considérée ou définie comme la façon dont la rage est déjà toujours politique parce que elle restaure en fait le monde vécu et elle redonne une forme de pouvoir en fait de considérer que je peux compter sur ces ressentis, sur ces impressions, que me font la violence et que cette violence qui me traverse, en fait, je peux, encore une fois, la réorienter, la redéfinir, la réagir pour, dans des formes d'émancipation ou de libération ou de violence gratuite, mais tout à fait utile. Donc il n'y a pas de pédagogie à ça. C'est une façon aussi, ou alors c'est une forme de pédagogie, mais de ce que j'appelle une pédagogie brutalisante. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il est clair qu'il n'y a pas de pédagogie au sens de parler, mais que la pédagogie, elle se fera à coup de marteau. Enfin, c'est la philosophie à coup de marteau de Nietzsche. Finalement, voilà, il y a des moments où il va falloir casser quelque chose, casser des corps, enfin, pour arrêter que ces corps déréalisent des êtres. Et voilà, vous venez d'entendre des extraits de Elsa Dorlin, donc n'hésitez pas à aller chercher le livre qu'elle a écrit, Se défendre, dans la bibliothèque féministe la plus proche de chez vous ou dans n'importe quelle bibliothèque ou libraire. Et il y a deux autres extraits que vous pouvez trouver sur internet, l'un sur le Krav Maga et les Vigilantes, et un autre sur la colonialité du pouvoir. Vous êtes bien sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Nous allons maintenant entendre la chronique mensuelle de Benjamin. Anceline Baptouze. Salut à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écoutent en direct sur CKUT ou sur le web. Salut à toute l'équipe d'En Profondeur, salut Christian et bienvenue à ce nouvel épisode des chroniques de Anceline Baptouze. Alors pour notre chronique du mois de mars, je comptais vous parler un peu d'actualité. Et en premier lieu, je voulais commencer en dédiant cette chronique à Colton Bushy et Tina Fontaine. Vous avez probablement entendu parler de ces deux jeunes personnes. Ça a fait la une dans les médias. Deux jeunes personnes qui ont été toutes les deux assassinées par des hommes blancs d'âge mûr qui, dans les deux cas, ont été reconnus non coupables à l'occasion de procès qui, on peut le dire, sont une honte pour toute personne qui entend défendre des principes de justice. Si la mort de ces deux jeunes gens s'est produite dans des circonstances qui sont séparées, elle a néanmoins été causée par la même chose, à savoir la violence meurtrière que les hommes blancs estiment avoir le droit d'infliger aux personnes autochtones, aux femmes, aux personnes racisées et à bien d'autres. C'est cette violence et ce qui la permet que nous combattons et à laquelle nous devons systématiquement nous opposer au quotidien, quel qu'en soit le prix. La décolonisation ne peut pas se passer d'une éthique universelle, quelle que soit notre couleur de peau, nos croyances, notre sexe, notre genre ou notre identité. Nous avons le devoir de lutter contre toutes les formes d'oppression et nous devons aider nos amis et alliés dans leur lutte respective. Mais ça n'est pas de cette actualité-là que je voulais vous parler. D'une part parce que plusieurs rassemblements ont été organisés au Québec et ailleurs pour mobiliser les énergies et faire en sorte que Colton et Tina ne soient pas oubliés, puis d'autre part parce que des personnes bien mieux placées que moi ont déjà dit bien des choses bien plus importantes et je ne crois pas être en mesure ni en position de pouvoir ajouter à leurs paroles. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler d'un point d'actualité, d'une annonce qui a fait un grand bruit dans les médias dominants. Et je parle de l'annonce faite par le gouvernement fédéral de procéder à des investissements de 4,1 milliards de dollars supplémentaires pour les Premières Nations. Ça peut paraître comme une étrange bonne nouvelle dans le contexte actuel, marqué en grande partie par les procès des assassins de Colton et Tina, lors desquels le gouvernement, et en particulier la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui est elle-même autochtone de la nation Kwakwaka'wakw, donc je dis ça peut paraître une étrange bonne nouvelle alors que le gouvernement et la ministre de la Justice en particulier étaient restés bien silencieux lors des annonces de non-culpabilité des assassins de Colton et Tina. Alors comme toujours, lorsqu'il s'agit de politiques autochtones menées par des colons, c'est quand même mieux d'adopter un principe de précaution face à ce genre de nouvelles. Après tout, depuis l'épisode découverte contaminée, on sait que les cadeaux des colons ont souvent tendance à être empoisonnés. Alors, ce qui est intéressant ici, dans le cadre de cette nouvelle, c'est que même dans les médias dominants, et je pense notamment à Radio-Can qui a publié plusieurs articles sur le sujet, on mentionne rapidement que ces 4,1 milliards, bon, c'est bien, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Okay? Surtout, c'est un investissement qui vient quand même bien tard, étant donné que ça fait des décennies que cet investissement est réclamé et qu'au mieux, il ne servira qu'à panser des plaies qui sont vraiment bien plus profond. On est encore loin de la guérison. comme le disait Malcolm X, je traduis une de ses citations très connues, si tu me plantes un couteau dans le dos à 9 pouces de profond et que tu le retires de 6 pouces, c'est pas un progrès. Si tu le retires complètement, c'est pas non plus un progrès. Le progrès, c'est quand la blessure causée par ton couteau commence à guérir. Or, dans le cas qui nous occupe, 4,1 milliards, c'est juste suffisant pour régler certaines crises qui empêchent la plupart des Premières Nations de travailler efficacement à leur guérison. Parce qu'évidemment, quand ta population n'a pas accès à des logements décents, par exemple, c'est difficile d'espérer qu'elle ait du temps libre et des dispositions pour réapprendre sa langue, par exemple. Puis, de manière générale, en plus, l'avenir paraît quand même moins radieux. Puis, bon, on pourrait dire aussi que ces 4,1 milliards, c'est bien, mais encore faut-il que cet argent promis aille dans les mains des bonnes personnes, dans les bons projets. Fait que, de manière générale, ça vaut quand même la peine de se pencher de manière un peu plus précise sur la façon dont le fédéral pense dépenser ces 4,1 milliards de dollars. Et en y regardant de plus près, force est de constater qu'on peut voir des choses de prime abord qui paraissent prometteuses. Par exemple, Ottawa propose de fournir environ 1,5 milliard de dollars supplémentaires sur les 6 prochaines années pour les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Ça veut dire 250 millions de dollars par an en moyenne pendant 6 ans. Bon, on s'entend qu'en comparaison, c'est bien moins que les budgets québécois qui vont à la protection de la jeunesse. Mais c'est quand même un début. Et puis ça permettra sans doute à certaines communautés de prendre en charge la protection de la jeunesse, comme c'est le cas par exemple depuis cette année chez les Atikamekw. Quand on sait à quel point le placement des enfants autochtones en famille d'accueil, les familles d'accueil d'ailleurs qui sont souvent non autochtones, ça constitue un fléau pour les communautés, et que c'est une tendance lourde du système colonial depuis très longtemps, parce qu'on parle du scoop, la rafle des années 60, mais cette dynamique-là, elle ne s'est pas arrêtée après les années 60. Fait que cet aspect-là, l'investissement dans la jeunesse, qui va à la protection de la jeunesse, pour des projets d'autonomie, c'est plutôt prometteur. Et à cela, en plus, viennent s'ajouter un demi-milliard de dollars sur 5 ans pour aider à la formation de la jeunesse. Alors ensuite, le gouvernement fédéral entend dépenser 1,5 milliard pour la santé avec l'objectif, comme dans le cas des services à la jeunesse, de doter les communautés de leurs propres infrastructures de santé. Encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle étant donné que les communautés autochtones ont souvent les pires conditions d'accès aux soins de santé au Canada et au Québec. Même chose pour le logement, puisque le fédéral propose entre 1 et 1,5 milliard de dollars pour s'attaquer à la crise du logement que connaissent de nombreuses communautés. Alors encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quand on sait que la plupart des logements sur les réserves sont surpeuplés et qu'en moyenne 20% des logements demandent des rénovations majeures, ben on peut se demander si ce sera assez. Bon, entre parenthèses, on peut se poser la même question pour les sujets précédents. Parce qu'on est face à des problèmes complexes qui persistent sur plusieurs générations. Fait que c'est pas un petit billet qui va venir régler le problème comme par magie. On peut dire que même avec un calcul optimiste, en fait, c'est peu probable. Surtout qu'en l'occurrence, ça règle pas un des problèmes principaux dont découlent beaucoup d'autres et auxquels on est bien obligé de s'intéresser si on veut véritablement penser à des solutions aux autres problèmes que j'ai mentionnés. Et ce problème fondamental, c'est encore et toujours celui du territoire. Parce que rénover des vieux bâtiments et en construire des neufs, c'est bien, mais quand tu es sur une réserve surpeuplée et qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de terrain sur lesquels construire, ben ça ne règle pas le problème fondamental d'avoir de l'argent pour construire des nouveaux bâtiments. Puis c'est là que si on regarde de plus près les promesses budgétaires, on s'aperçoit que, en fait, c'est comme un plaster. Mais la logique du système colonial, elle reste la même en arrière-plan. On essaie de soigner des symptômes, mais on ne va pas aller essayer de soigner la cause profonde du problème. Et en fait, au contraire, quand on considère à quoi doit servir le reste des 4 milliards budgétés, on peut se dire que, au contraire, les causes de ces problèmes-là, elles restent bien vivantes et elles continuent d'être exploitées. Parce qu'à votre avis, le reste du budget, il va dans quoi? Eh bien, je vous le donne en mille, ça va au processus de traité moderne. Eh bien ouais, tu croyais que t'allais avoir un petit cadeau qui allait te permettre de te remettre sur les rails. Ben non, dans ton cul. Hein? Quand je vous disais qu'il faut se méfier des cadeaux de colons, ben, ces traités modernes, vous savez ce qu'il en est. Hein? On en a parlé de nombreuses fois dans cette émission. Puis pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas de quoi je parle, ben, si vous allez en ligne sur notre page Facebook ou sur notre site sur WordPress, Les chroniques des mois précédents dans lesquelles on s'intéressait plus précisément au processus de traité moderne sont disponibles. Et d'ailleurs, ce processus de traité moderne, on appelle aussi le processus d'extinction des droits. Alors, comme d'habitude, hein, quand on parle du processus de traité moderne, Ottawa présente ça comme une avancée. Et puis, bien sûr, s'arrange pour trouver suffisamment de chefs corrompus pour venir corroborer cette version mensongère de l'histoire. Et évidemment, les médias dominants, qui sont des incultes, des ignares sur ce sujet-là, et qui sont, disons-le, des médias coloniaux, eh bien, ces médias dominants mangent la bonne pâtée et se contentent de régurgiter cette version complètement fantasmatique de la réalité plutôt que de faire leurs propres recherches. Hein. Là-dessus, c'est des bons pitous, les médias dominants. Là. Sur ce sujet-là, là, ils se surpassent à chaque fois. Ça me transporte de voir ce genre de choses. Alors, pour vous l'indiquer quand même, pour vous donner un exemple précis, je vais vous lire un passage de l'article de Radio-Canada sur le sujet. Hein. C'est l'article qui est appelé, je crois, le budget de la réconciliation, bref. Parce que vraiment, là, il y a des passages, c'est de l'or en barre. Alors, je lis un petit passage. Le budget propose que les droits autochtones soient reconnus dès le départ, comme l'a déclaré le 14 février le Premier ministre Trudeau à la Chambre des communes. C'est là l'essence même de cette politique de reconnaissance calquée sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Jusque-là, tout va bien. Mais alors, attendez la suite. Le budget chiffre ce principe. Ottawa met 51 millions sur la table dès cette année. Il s'agit, peut-on lire, de favoriser la participation des peuples autochtones à des négociations de traités modernes au moyen de contributions non remboursables. En d'autres mots, les nations autochtones auront moins besoin de s'endetter pour négocier avec le fédéral. Vous voyez ce qu'on fait là? On est capable, dans le même paragraphe, de vous parler en même temps de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de l'autre, des traités modernes. Les deux sont antithétiques. Les deux sont profondément antithétiques. Mais on les met dans la même phrase et on essaie de vous faire croire que les deux sont la même chose. En fait, on se fout un peu de votre gueule. Parce que, déjà, aucune question de savoir si déjà, à la base, négocier avec le gouvernement fédéral est une bonne idée. Parce qu'à date, ce que dit la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU, c'est pas que les Premières Nations devraient dépenser du cash à négocier avec les gouvernements coloniaux. C'est que les gouvernements coloniaux devraient, par principe et tout le temps, demander le consentement des peuples autochtones et accommoder leurs droits fondamentaux. Fait que c'est pas aux peuples autochtones de négocier leurs droits. C'est le contraire. Leurs droits, ils préexistent. C'est aux gouvernements coloniaux de se sortir les doigts du cul et de consulter véritablement les Premières Nations avant d'aller piller leur territoire. Hein? En gros, on essaie de nous faire croire gentiment que la position actuelle du gouvernement fédéral respecte et applique la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, alors qu'en réalité, elle la nie entièrement et complètement. Dans le genre foutage de gueule et langue de bois, il y a du gros niveau là. Du gros niveau. Pour continuer un petit peu par rapport au passage de l'article que j'ai lu, pour ceux et celles à qui la langue de bois journalistique paraîtrait un peu obscure, ça veut dire qu'on essaie de nous vendre que négocier avec le gouvernement, de ne plus pouvoir négocier avec le gouvernement dans le futur, ce serait une preuve d'autonomie gouvernementale. Hein? On nous dit, très gentiment, accepter du cash en échange de fermer sa gueule et d'accepter qu'on ne pourra plus jamais avoir de revendications politiques et territoriales, c'est une preuve d'autonomie politique. C'est l'argument conservateur par excellence, hein, qui dit qu'un esclave est libre à partir du moment où il a lui-même décidé de devenir esclave. On marche sur la tête, hein, et puis mon cul sur la commode pendant qu'on y est aussi. Puis attendez là, en plus on nage en plein délire, on parle de négociation, alors que je vous rappelle que la plupart du temps, ces soi-disant négociations, elles se terminent devant un juge. Dans le genre de négociation là, on a fait mieux. Alors vous me direz que 51 millions pour cet aspect-là du budget, bon, même si c'est 51 millions juste cette année, on ne sait pas exactement ce qui va être mis les années prochaines. Sur 4,1 milliards, c'est des peanuts. Au final, vous me direz, ce n'est pas le point le plus important du budget. Puis, vous auriez sûrement raison. À ceci près, que, étant donné que la politique d'extinction des droits constitue la base de la politique coloniale du gouvernement fédéral depuis maintenant plus de 30 ans, Mais ça m'étonnerait franchement qu'on puisse juger de l'importance de cette mesure simplement en fonction de sa dimension budgétaire. Au contraire, on devrait plutôt se demander à quel point ce point-là du budget ne va pas servir de moyen de pression pour les autres mesures. Parce que c'est évidemment difficile de le prévoir à l'heure actuelle, mais le fédéral l'a souvent fait. C'est ce qu'on appelle la politique de la carotte et du bâton. Je te file du cash, mais en échange, tu promets que tu vas accepter un traité moderne. Quand vous faites ça avec quelqu'un qui n'a pas de cash, c'est facile. Ça marche généralement. Donc le plus problématique finalement dans cette mesure, c'est qu'elle va à l'encontre du principe d'autonomie politique qu'on veut soi-disant privilégier. Parce que cette poursuite des traités, elle va à l'encontre de l'autonomie territoriale des peuples autochtones à la base. Et sans autonomie territoriale, l'autonomie politique, c'est juste du vent. Alors comment voulez-vous vraiment que les peuples autochtones résolvent leurs problèmes de logement, de santé, de jeunesse, si dans le même temps elles signent des traités modernes qui les dépossèdent un peu plus de leur territoire? C'est complètement contradictoire. C'est complètement contradictoire et je n'ai aucun doute que les fonctionnaires et politiciens fédéraux qui ont travaillé à ces mesures le savent pertinemment. Je ne vois d'ailleurs pas comment ils ne pourraient pas le savoir. C'est bien documenté et c'est les premiers à en être au courant. Puis bon, pour finir, je l'avais mentionné au début de la chronique, mais il faut ajouter, comme l'ont précisé d'ailleurs plusieurs chefs innus depuis l'annonce du budget, que tout ça, ce sont des belles promesses. Mais qu'à l'heure actuelle, rien ne promet que cet argent-là se rendra véritablement jusqu'aux communautés. Parce que dans bien des cas, ce cash-là, il finit dans les poches de consultants, de professionnels qui sont extérieurs aux communautés et qui sont payés à trouver des solutions aux problèmes autochtones, mais qui la plupart du temps ne connaissent absolument pas leur réalité. Alors quand on sait qu'une partie du budget doit servir à, je cite, « soutenir les autochtones dans le renforcement de leurs capacités internes, financières et administratives », fermez les guillemets, ce qui est une belle langue de bois pour parler le langage administratif, c'est pas dur de savoir où s'en va cet argent-là. Il s'en va dans les poches de fonctionnaires. Enfin, vous me direz que je suis peut-être un petit peu pessimiste. Et puis, si vous me dites ça, vous avez raison. J'ai effectivement tendance à partir du principe que dans une situation coloniale, le colonisateur ne se départira jamais volontairement de sa position dominante. Et bien que j'aimerais vraiment ça avoir tort, à date, sur ce sujet-là, l'histoire canadienne a tendance à me donner raison. 500 ans d'histoire coloniale, c'est long, et ça se résoudra pas juste avec du cash. Alors voilà, je vous laisse sur cette déclaration aussi profonde qu'une promesse de politicien, et je vous dis au mois prochain, sur les ondes de CKUT. Vous écoutiez la chronique de Benjamin Unsettling Baptouse, diffusée à chaque mois dans cette émission. Donc, vous avez écouté aujourd'hui en profondeur sur CKUT 90.3 FM. Nous vous remercions d'être avec nous et de continuer à écouter CKUT. Pour plus d'informations, commentaires, vous pouvez toujours nous contacter au 514-448-4041 au poste 6788. Vous pouvez aussi nous contacter à news@commercial.ca. Vous écoutiez donc l'émission du premier lundi du mois. De ce fait, nous affirmons notre soutien à la lutte contre le patriarcat le 8 mars comme à tous les jours.